بسم الله الرحمن الرحيم. سنأخذ الآن المسألة 22، فندوزيام مسألة، في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Dans le sens où Allah Azza wa Jal il dit que nous n'avons pas attribué cette qibla, cette direction pour la salat, celle sur laquelle tu es actuellement, ce n'est pour savoir qui suivra le messager, de qui s'en retournera sur ses talons. Surat al-Baqarah, verset 143. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى في هذه الآية إلا لنعلم يوهم أنه لم يكن عالما ممن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل عقوعه. Donc la parole de ce verset laisse entendre que Allah Azza wa Jal ne sait pas qui va suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui va s'en retourner sur ses talons, alors que Allah Azza wa Jal est savant de toutes choses avant même qu'elles n'aient lieu. فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آية كثيرة كقوله وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. Donc Allah sait tout ce que va faire sa création, comme nous prouve le verset dans plusieurs versets, et parmi eux ça parle dans le sens où il dit: et il est plus savant de vous-même alors qu'il vous a sorti de la terre et que vous étiez, et aussi que vous étiez des fœtus dans le ventre de vos mères, alors ne vous vantez pas vous-même. Surat Al-Najm, l'étoile, verset 32. Wa qawlihi ta'ala wa lahum a'malun min duni dhalik wa hum laha 'amilun, et qu'ils ont des œuvres en dehors de cela qu'ils accompliront. Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 63. Donc Allah sait ce qu'on va faire. Qala al-jawab 'an hadha أن معنى قوله تعالى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. Donc maintenant dans sa parole où il dit si ce n'est pour savoir, c'est-à-dire une science sur laquelle va en découler la récompense ou une mauvaise attribution, une bonne attribution. Et cela ne s'oppose pas au fait que Allah connaît toutes les choses avant qu'elles n'arrivent. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا لأنه عالم بما سيكون حيث قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم. Et que Allah a déjà indiqué au fait que il ne profite en rien le fait justement qu'il nous éprouve et qu'il nous teste, ne lui apporte aucun savoir nouveau, rien de nouveau, car il est déjà au courant de tout ce qui va avoir lieu, du fait qu'il est dit dans le sens. Et Allah, pour que Allah éprouve ce qu'il y a dans vos cœurs et pour qu'il purifie ce qu'il y a dans vos poitrines, et Allah est parfaitement connaisseur du contenu des poitrines. Surat Al-Imran, famille d'Imran, verset 154. فَقَوْلُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بَعْدْ قَوْلِهِ وَلْيَبْتَلِيَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ الْإِخْتِبَارِ عِلْمًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنْ ذَلِكَ. Donc là, dans sa parole, lorsqu'il dit que Allah est parfaitement connaisseur du contenu des poitrines, et par la suite il dit, plutôt qu'il a dit cela après avoir dit auparavant, afin d'éprouver ce qu'il y a dans mon cœur. Vous voyez, Allah Azza wa Jal a dit en premier lieu, afin d'éprouver ce qu'il y a dans vos cœurs, et à la fin il dit, et que Allah est parfaitement connaisseur du contenu des poitrines. Donc cela montre quoi? Le fait que Allah nous éprouve, et qu'il nous éprouve et qu'il nous teste, démontre bien qu'il n'apprendra rien de nouveau par la suite et qu'il sait déjà ce qui va se passer. بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه وعالم بكل شيء قبل وقوعه كما لا خلاف فيه بين المسلمين لا يزعب عنه مثقال ذرة. Donc nous disons même que Allah Azza wa Jal est savant de tout ce que va accomplir sa création, qu'il est savant, omniscient de toutes choses et de toutes choses avant même qu'elles n'arrivent, et qu'il n'y a aucun khilaf entre les muslimines sur cela, dans le sens où il dit, et vers lui, il n'y a que rien ne lui échappe, fût-il le poids d'un atome. Rien ne lui échappe, fût-il le poids d'un atome. Surat Saba, verset 3. Et quand il dit, et lorsqu'il dit « La khilaf bayna al-muslimin fihi », c'est-à-dire qu'en fait, celui qui s'oppose à cela n'est plus un musulman. Celui qui dit que Allah Azzawajal ne connaît pas les choses avant qu'elles n'arrivent, celui-là n'est pas un musulman. Et d'ailleurs, des gens parmi les Qadariyas ont été rendus mécréants pour cette croyance erronée. والحمد لله رب العالمين